est en pente. J'entends les affiches qui mentent, les camions qui chantent. Le monde est en pente douce vers toi. Tous les jours, je roule doucement vers toi. Le monde est en pente. La pluie a goût de menthe. Mon amour n'est plus en vente. Le monde